Chapitre 7e. Pendant une de ces journées de calme, où les assiégés n'avaient qu'à veiller du haut de leurs remparts de peur d'une surprise, Charles de Mantoue parcourait à grands pas un riche appartement qu'il occupait auprès du couvent des Présentines. Il paraissait agité, irrésolu. C'était un homme grand et bien pris de taille. Ses traits, fortement prononcés et son regard fixe, rendaient son visage dur et hautain. Généreux, entreprenant, hardi, son ambition surpassait encore sa valeur reconnue. Son caractère indomptable, qui donnait à ses moindres fantaisies l'apparence de la passion, devenait terrible lorsqu'un plan une fois conçu était entravé par des obstacles sérieux, quand la force ouverte n'était point un moyen tout à fait sûr. Charles préférait employer la ruse, et rien ne lui coûtait pour parvenir à ses fins. Son père, en mourant, lui avait transmis une fortune immense, avec la condition, il est vrai, de la rendre s'il découvrait son légitime possesseur. Peu soucieux de tenir les promesses qu'il avait faites, ignorant d'ailleurs qu'il existât des actes qui pouvaient d'un jour à l'autre le déposséder, le jeune homme, satisfait de sa fortune, se mit à désirer ardemment les honneurs. Il prétendait à la charge de viguier pour l'année suivante. Il avait alors jeté les yeux sur Améliane pour arriver plus sûrement à son but. Il avait demandé sa main sans songer à ses qualités. Mais peu à peu, la grâce noble et touchante de la jeune fille avait fait impression sur son cœur. Cette inclination naissante s'était accrue encore de l'espèce de répulsion qu'Améliane éprouvait pour lui, et la passion, comme il arrive presque toujours, s'irritant par les difficultés, il était, au moment où nous parlons, éperdument épris de la fille du gouverneur. Personne dans la ville n'avait affiché ses prétentions d'une manière plus éclatante, et ses nombreux rivaux n'osaient presque concevoir aucune espérance, tant les richesses et surtout l'astuce de Charles les épouvantaient. Mais Guillaume du Puget avait paru. L'amour, qui presque à son insu germait dans l'âme du gentilhomme, n'avait point échappé à l'œil jaloux de Mantoue. À tout prix, il résolut de s'en défaire. Dès lors, le moyen de le perdre devint le but de toutes ses pensées. En ce moment encore, il se disait en marchant avec agitation « Cet étranger me gêne, il faut en finir. » Prenant donc une résolution, il s'arrêta brusquement devant un tout jeune homme au regard perçant, au teint basané, nonchalamment assis et revêtu d'une livrée, et lui adressa la parole. « Valentin, messire, m'es-tu toujours dévoué ?»« À vous ou à vos pièces d'or, c'est la même chose, monseigneur. » De Mantoue sourit. « Ainsi, je puis compter sur toi ?»« Oui, monseigneur. » »« Ne reculerais-tu point devant les difficultés ?»« Bah, messire, avec de l'argent, ne vient-on pas à bout de tout ?» Le gentilhomme lui tendit sa bourse. « Connais-tu le chevalier Guillaume du Puget ?» Le jeune ami de monseigneur de Glandeves, sans doute, mon maître. Je le rencontre constamment sur mes pas. Eh bien, reprit lentement Charles, cet homme est de trop. Valentin se leva négligemment, entr'ouvrit son pourpoint de livrée et indiqua du geste à son maître le manche de son stylet. Oh non, point de poignard, s'écria de Mantoue. On ne se débarrasse point ainsi d'un gentilhomme. Valentin se rassit. Que puis-je faire alors ? Charles parut réfléchir. « Au fait, rien ne presse, » reprit-il. « Écoute, Valentin, attache-toi au pas du chevalier et surveille toutes ses démarches. Un homme a toujours un côté faible. En l'observant de près, tu le découvriras. Et certes, ce serait bien malheureux que nous ne parvinssions pas à trouver contre lui une arme qui ne revienne pas sur nous. Es-tu décidé, messire ? Oui. Bien entendu que je peux agir si l'occasion se présente. Sans doute. » Le serviteur fit un geste d'adieu familier au gentilhomme et s'éloigna. Le misérable, murmurait de Mantoue en le suivant du regard, et dire qu'on a parfois besoin d'un pareil homme. Valentin, aussi audacieux que vil et corrompu, était fils de Catherine, nourrice d'Améliane. Dès son enfance, voyant la tendresse dont sa mère entourait sa sœur de lait, une jalousie profonde s'était emparée de son cœur. Dominé qu'il était par une soif insatiable de richesse, Charles de Mantoue, qui avait besoin d'un espion auprès de la jeune fille, n'eut pas de peine à se l'attacher par sa prodigalité naturelle. C'était donc par Valentin, dont les services étaient payés au poids de l'or, que le gentilhomme surveillait et savait tout ce qui se passait dans le palais du gouverneur.